Yeah. Ok, Georgia Soldier Winker 976 Mayana T.O. Zamatal Prod. Ok, go. Tu vas payer de ma romaine le titre du loup. Du loup, du loup. C'est fini cette époque de bad boy et des mots. Maintenant ça bouge. Y'a plus de really gangsta, seulement 976. Je me présente, Mister T hostile, arrogant. Je m'oublie les défourailles comme un ouragan. Et quand ça claque, claque, c'est que j'ai la classe dans mes savages. Ma life, c'est le circuit underground. Mon profil est dissimulé sous une casquette. J'ai pas la main d'être d'or, mais j'ai que le bronze. MC de Comore représente Mayana. Et Gaweni, c'est mon lieu de pèlerinage. À mon âge, j'ai la rage. I drink, I smoke, drive is my hobbies. I like a girl, I like a move. J'arrive costume ringard sur la zig. Je joue l'éclaireur sur ma ville. Un petit coup de piqûre et me voilà sur la piste. J'adore quand la foule fait la olé. Quand les meufs font les quoi que tu dises ou quoi que tu fasses, ça c'est la voix. Et mes peaux du ghetto. Sur la tête de ma romaine, le titre du loup. Du loup, du loup. C'est fini cette époque de bad boy et des mots. Maintenant ça bouge. Y'a plus de really gangsta, seulement 976. Y'a plus de really gangsta. Encore un son de fade qui porte la couleur mat. Il s'engage, il dégage, j'ai la cachette facile. Un coup de boule, un coup de boum sur ta face. Appelle l'ambulance, car y'a urgence. Et tasse, et tasse, et tasse, il la voit, et yo c'est moi-même. Je fais surface sur la musique. Plus de gangsta, je vous félicite. La révolution de Mayotte à Mayana. Quel in a goom, quel in a char, quel is l'exa. Criazote de son, c'est là, Kaweni est là. Sa mentale prod, il nous donne la force d'avancer dans notre musique, dans nos délires. Qui pourrait dire le contraire de tout ça? Car aujourd'hui, nous te titre du loup. Sur la tête de ma romaine, nous te titre du loup. Du loup, du loup. C'est fini cette époque de bad boy et des mots. Maintenant, ça bouge. Y'a plus de really gangsta, seulement 976. De ma romaine, le titre du loup, du loup, du loup. C'est fini cette époque de bad boy et des mots. Maintenant ça bouge. Y'a plus de really gangsta, seulement 976. Y'a plus de really gangsta. Du loup.